Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la découverte de la tombe de Toutankhamon en novembre 1922. Ce mystérieux Toutankhamon, c'est un homme que personne évidemment ne connaissait avant que Carter et Carnarvon n'aient découvert sa tombe. Pour la première fois depuis l'histoire de l'égyptologie, on venait de découvrir une tombe inviolée de pharaon. En écoutant l'égyptologue et archéologue Christiane Desroches-Noblecourt à l'émission Partage du jour en 1964, on comprend très bien pourquoi la découverte de cette tombe, la tombe de Toutankhamon, est si importante. En pénétrant dans cette tombe restée intacte depuis la mort du jeune pharaon, le Britannique Howard Carter découvre non seulement un trésor inouï, trésor qui fait foi de toute l'étendue de la richesse de Toutankhamon, mais il découvre aussi les traces tangibles des rites funèbres associés à la mort des pharaons à l'époque de l'Égypte ancienne. Sur la rive ouest du Nil, au pied de la colline de Thèbes, la vallée des rois est une véritable termitière de la mort. À ce jour, on y a dénombré plus de 350 tombeaux des temps pharaoniques. Parmi toutes ces découvertes, aucune cependant n'a égalé celle qui a été faite en 1922. La découverte, sous les sables amoncelés par les siècles, d'un jeune pharaon mort à 19 ans il y a 3313 années, Toutankhamon. En contrebas de la tombe de Ramsès VI, une marche dégagée avait indiqué le chemin du tombeau. Et la passion d'un mécène, Lord Carnarvon, l'entêtement d'un égyptologue britannique Howard Carter, avaient fini par les conduire au bout d'une étroite galerie. Là, dans une chambre basse, Anubis, le dieu chien aux yeux d'albâtre et d'obsidienne, veillait sur un extraordinaire trésor, une collection d'objets d'art de l'ancienne Égypte, comme on n'en avait encore jamais vu rassemblés. Mais une émotion plus grande encore attendait Carter derrière une dernière porte murée, encadrée par deux statues de bois verni, représentation grandeur nature du pharaon. C'est là que l'archéologue découvrit, entouré de fresques évoquant les scènes rituelles des funérailles, la cuve de quartz jaune où Toutankhamon reposait depuis 33 siècles. À ses yeux apparut un premier sarcophage à l'image du souverain. Il y en avait trois, parfaitement emboîtés. Le troisième était d'or massif et pesait 1100 kilos. On pourra enfin, grâce au magnifique masque mortuaire d'or massif, croiser le regard mystérieux du jeune pharaon, un regard qui brille depuis 33 siècles. Extrait des actualités françaises du 21 février 1967 qui rappelle les circonstances et le contexte qui ont entouré la découverte de la tombe de Toutankhamon en novembre 1922. Pour nous raconter cette histoire, l'histoire de cette découverte archéologique historique, justement, je reçois Évelyne Ferron, spécialiste en histoire ancienne. Bonjour Évelyne. Bonjour. Chargée de cours à l'Université de Sherbrooke, professeur d'histoire générale au Collège Mérissé à Québec et qui, vous l'entendez bien, piaffe d'impatience. Ah oui! De vous parler de cette tombe de Toutankhamon. Mais c'est vrai que c'est important dans l'histoire de l'archéologie, la découverte de cette tombe, Évelyne. Oui, parce que c'est, comme le disait Christiane Desroches-Noblecourt au tout début de l'émission, c'est la première fois qu'on va pouvoir entrer dans une tombe de pharaon qui n'a jamais été ouverte, qui est inviolée, que tous les objets à l'intérieur. Et en plus, on a un homme, Howard Carter, qui est à une époque où on commence à faire de l'archéologie une science. Alors, c'est vraiment la première fois que ça va se faire très lentement. C'est pas là pour le pillage. On va documenter chaque objet. Donc, on va y aller étape par étape, chaque pièce, parce qu'il y a plusieurs pièces dans cette tombe-là, qui est un hypogée à l'intérieur de la roche, dans la vallée des Rois. On va vraiment tout documenter, sortir les objets lentement, un par un. Et c'est sûr que c'est la première fois qu'on va pouvoir voir le corps d'un pharaon, la momie, dans les sarcophages, le sarcophage et les cercueils d'origine. On l'entendait dans l'extrait, il y en a plusieurs, puis il y en a trois, plus le sarcophage de pierre. Alors, on va vraiment pouvoir documenter tout ça et enfin comprendre, lorsqu'on inhumait un pharaon, l'ampleur des trésors. Parce que tous les autres grands pharaons, les momies avaient été trouvées dans une cachette en 1881 d'Er el-Bahri, mais les tombeaux de la vallée des rois avaient été pillés depuis l'Antiquité. Donc, unique. Ça nous en dit, puisqu'elle n'a pas été violée ou pillée, cette tombe-là, on comprend mieux les rites funèbres, on comprend mieux la richesse aussi qui était celle des pharaons. C'est ça que ça permet. Qu'un si jeune pharaon, mort si jeune d'ailleurs, et un trésor aussi exceptionnel. C'est sûr que les gens se sont dit, waouh, Ramsès II, à quoi devait ressembler le trésor de Ramsès II? C'est sûr que ça, il y a quelque chose, même pour les égyptologues, on a beau être scientifique ou quoi que ce soit, c'est, il y a quelque chose de, dans l'imaginaire qui, on a de la difficulté même à pouvoir se représenter la richesse d'un Ramsès quand un jeune Toutankhamon, un des pharaons les moins connus de l'histoire des pharaons, avait un trésor de cette ampleur. Et puis, ça nous en dit beaucoup. Cette histoire-là, c'est aussi l'histoire de la discipline de la science archéologique. Parlez-moi de ça, parce que pour comprendre, c'est donc ce Britannique, Howard Carter, qui va découvrir la tombe de Toutankhamon en 1922. Mais pour comprendre comment il réussit à découvrir cette tombe, il faut d'abord comprendre ce contexte d'effervescence au début du 20e siècle. Il y a comme une folie là, autour de fouilles en Égypte. Oui, l'idée de posséder aussi, c'est l'époque des grands musées. Bon, depuis la fin du 18e siècle, les premières collections qu'on pense au Louvre avec Napoléon, qu'on pense au British Museum graduellement, Musée de Turin, c'est sûr qu'ils vont financer des explorateurs qui ne sont pas des archéologues, qui payent des objets puis qui leur donnent des objets qui font en sorte que les gens vont dans leur musée. Mais lorsqu'on arrive au tournant du 20e siècle, là, on commence à avoir des spécialistes. On a aussi la Egypt Exploration Fund du côté de l'Angleterre qui investit beaucoup. Les Américains s'intéressent à ça aussi. Et depuis Flinders Petrie, qui est un Britannique, qui a d'ailleurs été le premier à les rayons X sur les momies, tout ça, on essaie d'aller vers des techniques de fouilles qui sont plus scientifiques que juste fouiller pour ramasser des objets. On cherche à documenter, à comprendre le contexte. Howard Carter va arriver dans cet univers-là au même moment aussi où on crée le ministère des Antiquités égyptiennes juste avant son arrivée. Gaston Maspero s'occupe du musée du Caire qui commence enfin à vouloir garder les objets en mémoire pour les Égyptiens plutôt que de les voir être dilapidés à des touristes qui étaient des fois capables d'acheter des objets là, sur les rues et les ramener ici. C'est comme ça qu'on a eu des momies, d'ailleurs, une momie au séminaire de Québec, à Québec. C'est qu'on était capable d'acheter des momies dans les rues en Égypte et de les ramener au Canada. Ça vous donne une idée du marché qui existait. Donc, on essaie de ramener les collections, mais on essaie surtout aussi de commencer à pratiquer des fouilles avec une méthode scientifique, comme on voit aussi du côté de l'Irak. Et c'est Carter, donc, qui va avoir le bonheur de découvrir ce trésor, littéralement. Il fait équipe, il faut le dire tout de suite. Ça coûte cher. Il fait équipe avec un riche Britannique, Lord Carnarvon. Qui sont-ils donc, ces deux hommes, Howard Carter et Lord Carnarvon, Evelyne Ferron? Et quel genre d'équipe feront-ils? Comment en arriveront-ils à la découverte de cette tombe? Pour Howard Carter, qui est un jeune Britannique, le père était artiste déjà. Alors, dans sa famille, il y avait des artistes. Et il se révèle très tôt, est excellent, en fait, en dessin plus particulièrement. Et tout près de lui, il y a un grand manoir dans le Norfolk où il voyait déjà des gens qui avaient acheté des objets égyptiens. Il y avait déjà cet intérêt-là, il avait vu ça. Et c'est comme ça que, grâce au contact de son père, il va réussir à être embauché par la Egypt Exploration Fund, justement, qui va l'embaucher pour se promener sur différents sites archéologiques. Il va travailler avec Flinders Petrie. Ensuite, il va s'en aller à Amarna, où déjà, il va pouvoir entendre un peu l'histoire autour de Toutankhamon, puisque c'est le père de Toutankhamon qui a construit cette capitale-là qui a duré le temps d'un règne. C'est une capitale éphémère. C'est la capitale d'Akhenaton. Donc, il a été dessinateur de ce côté-là. Gaston Maspero le remarque, trouve qu'il est minutieux. Il va en faire un inspecteur, en fait, des antiquités égyptiennes. Et c'est là qu'il va vraiment parcourir le pays, rencontrer aussi d'autres archéologues qui sont sur place. Il va quitter ce poste-là vers 1907. Et faire ses classes, en fait, parce qu'au départ, c'est pas un archéologue du tout. Pas du tout, mais il est sur tous les sites et Maspero va vraiment le prendre sous son aile. Alors, c'est un homme extraordinaire sous lequel travailler. Et c'est Maspero, en fait, qui est... lui et Carter prennent la décision qu'il arrête d'être inspecteur parce qu'il a mis à jour, en fait, au jour, une espèce de trafic illégal de policiers égyptiens qui laissaient des Français prendre des objets. Et là, les Français n'étaient pas contents qu'on leur tape sur les doigts. Donc, on a dit à Carter, t'es peut-être un peu trop rigoureux, tasse-toi. Mais c'est comme ça que Maspero contacte Lord Carnarvon, George Herbert Carnarvon, qui était le propriétaire de Highclere Castle, où on a tourné Downton Abbey. C'est vraiment sa résidence. D'ailleurs, il y a une collection égyptienne là-bas, qui est la sienne, qu'on peut visiter si on visite Highclere Castle. Après un accident de voiture, avait eu des grands problèmes de santé. Et on lui recommandait, surtout pour les hivers, parce qu'en Angleterre, c'est très humide, d'aller dans un climat plus sec comme l'Égypte. Et c'est comme ça que lui, il se met à vouloir financer des fouilles, avoir des objets intéressants. Et c'est comme ça que Maspero unit ces deux hommes-là, pensant qu'ils peuvent travailler ensemble. Et Carter dit, moi, je pense qu'il reste probablement au moins une tombe à trouver dans la Vallée des Rois. On a le nom de Toutankhamon qui circule, mais celle-là, elle n'a jamais été découverte. Je suspecte qu'elle n'est pas loin de la tombe de Ramsès VI. Ouais. Moi, je commencerai à fouiller dans ce secteur-là. Donc, au tournant, juste avant la Première Guerre mondiale, alors que le buste de Néfertiti est découvert, ce qui va déjà lancer une frénésie pas croyable, Carter va pouvoir commencer, grâce au fonds de Lord Carnarvon, à fouiller un secteur bien précis. Mais ça aboutit pas, son affaire, ce qui fait que... Mais il y a la guerre aussi qui nuit. Il y a une pause. Pendant la Première Guerre mondiale, tout ça s'arrête. Les fouilles archéologiques en Égypte, c'était interdit. Donc, il y a eu cette pause-là qui nuit. Mais effectivement, c'est très, très long parce qu'au-dessus de la tombe de Toutankhamon, ce qu'il y avait, c'était les cabanes des travailleurs qui avaient fait la tombe de Ramsès VI, qui est beaucoup plus tardif. Ouais. Et c'est pour ça que ça a été long à atteindre les premières marches. Mais il y croit. Il y croit. Parce qu'il faut le dire, il y a de la chance là-dedans de trouver la tombe en question, mais de pouvoir continuer d'être financé parce que même si c'est Lord Carnarvon se fascine pour c'est l'archéologie égyptienne, il est au bord. Il le dit, de fait, à Carter. C'est fini, là. Bientôt... 1922, c'est la dernière année où je finance une expédition. À la limite, au pire, on fouillera ailleurs. Il était peut-être intéressé à fouiller dans d'autres secteurs du pays, parce que, comme j'ai dit, bon, le buste de Néfertiti, ça, c'est Amarna. Bon, mais là, c'est sûr que la Vallée des Rois, il n'y avait vraiment rien d'intéressant qui sortait de là. Faut le comprendre, il voulait des objets exotiques, là, il n'y avait rien. C'est sûr qu'il avait dit à Carter, c'est la dernière année. Après ça, soit on s'en va ailleurs ou on arrête tout simplement. Mais Carter, à cet instant, il sait qu'il va trouver quelque chose. Et de fait, en novembre 1922, Carter découvre enfin la tombe de Toutankhamon. À peine arrivé sur les lieux de mon travail, je fus accueilli par une excellente nouvelle. On avait découvert un escalier taillé dans le roc. Les mains tremblantes, je fis une petite brèche dans le coin supérieur gauche de la porte muraille, tandis que mes yeux s'accoutumaient à l'obscurité. Les détails de cette salle intérieure émergeaient lentement de l'ombre. Eh bien, voyez-vous quelque chose? Oui, des choses merveilleuses. Jamais sans doute dans toute l'histoire des fouilles archéologiques, il ne fut donné de voir un spectacle aussi étonnant que celui que nous révélait la lumière de notre torche. Animaux étranges, statues et de l'or. Partout le scintillement de l'or. Nous en avions assez vu. Nous avons rebouché le trou, repris nos mulets et quitté la vallée, étrangement silencieux et subjugués. Extrait du documentaire « Les trésors de Toutankhamon » diffusé à l'émission Femmes d'aujourd'hui, imaginé en novembre 1979. La découverte de ce tombeau de Toutankhamon, Évelyne Ferron, ça se fait en plusieurs temps. Ah oui. Racontez-nous un peu la séquence des événements. Alors, Carter sait que c'est sa dernière année de fouille. Il est tout près, en fait, de la tombe. Ils sont en train d'enlever les remblais de ce qui étaient les cabanes des gens qui avaient travaillé sur la tombe de Ramsès VI. Et le 4 novembre, lorsqu'il arrive sur le site, il le dit lui-même parce qu'il a écrit un ouvrage sur le contexte de la découverte de la tombe. Qui est très bien écrit, il voulait que ce soit très accessible, mais il nous raconte vraiment ça dans ses propres mots. Quand j'arrive sur le site, tout est calme, mais là, je sens que les travailleurs ont quelque chose, je sens une excitation, et c'est là qu'on lui montre les marches qui mènent vers quelque chose qui est plus creux, alors on se doute que c'est quelque chose de plus ancien, et là, ils vont commencer à déblayer les marches et vont arriver à une première porte. Malheureusement, quand ils continuent à descendre les marches et à déblayer, là, ils se rendent compte que ce secteur-là a été pillé jadis, il y a des débris, des choses comme ça, donc il a peur que la tombe soit violé. Il envoie automatiquement un télégramme à Carnarvon, qui est en Angleterre à ce moment-là, en disant « Ayez trouvé quelque chose, venez en Égypte. » C'est sûr qu'il faut qu'il prenne le bateau. Il va arriver le 22-23 novembre. Ça va prendre quand même plusieurs jours. Donc, Carter prend en fait cette vingtaine de jours-là pour vraiment tout déblayer, ce qui est l'espace des escaliers, ce qui dépasse cette première porte, et se rend compte qu'il y a une autre porte, et celle-là, elle a encore un sceau. Elle n'a jamais et probablement été ouverte, même pendant l'Antiquité. Alors, son espoir renaît. Et donc, Carnarvon arrive le 23 novembre et ils finissent donc de déblayer tout ça, arrivent à la porte et le 26 novembre, il nous le dit, il perce un petit trou, passe une chandelle et Carnarvon est derrière lui en disant « Voyez-vous quelque chose, quelque chose ». Et là, il dit « Oui, wonderful things, des choses merveilleuses ». C'est là qu'il réalise vraiment... que les objets sont là. Ouais. Parce que ce qu'il voit, en fait, c'est l'antichambre. On semble avoir pacté, ce qui est assez étonnant, plein d'objets, les lits, des coussins, des chaises, mais qui étaient presque tout en or, dans une antichambre avant d'atteindre les autres pièces. Et c'est ça que Carter voit au début. Quand il dit que l'or brille, il voit les têtes de lit à forme de lion, mais tout ça est doré. Donc, c'est sûr que pour un premier coup d'œil pour Carter, cette scène-là a marqué l'imaginaire du monde entier. Mais même avant de faire ce petit trou, il sent bien qu'il va faire une découverte importante. Oui, la porte est scellée. Voilà, et Lord Carnarvon, en fait, aussi, n'arrive pas seul. Il arrive avec sa fille, mais il va y avoir, pour l'époque, une couverture médiatique de cet événement-là. Et ça, d'ailleurs, Carter a un chapitre là-dessus dans son livre qui est très intéressant, mais on ne s'attendait pas à ça. On s'attendait s'attendait pas à ce que ça crée cette frénésie-là aussitôt que ça s'est su. Et c'est sûr que là, les journalistes sont autour de la tombe, veulent documenter tout ça. Et là, Carter dit non, parce que je vais faire une fouille scientifique. Moi, j'ai été sous l'école de Flinders Petrie. Et cette fois-ci, je suis désolée, mais je vais commencer par bien faire mon travail. Alors, quand il va accepter des journalistes sur le terrain, il va les choisir. Entre autres, quand il va ouvrir la chambre funéraire en 1923, quand il va vraiment atteindre la chambre où on va pouvoir dévoiler la momie. Oui, ça prend un an. Ouais. C'est très long. Mais c'est sûr que les journalistes avaient donc été sélectionnés sur le volet. C'est surtout le Times de Londres et le New York Times qui auront les crédits pour documenter, photographier certaines étapes donc de cette très longue fouille à la chaleur. On est dans la vallée des Rois. On est dans un des secteurs les plus chauds, les plus secs de l'Égypte aussi. C'est pas évident. Et qu'est-ce qu'il voit quand il arrive finalement à cette fameuse chambre funéraire? Bien, c'est magnifique. C'est qu'on a une chapelle dorée. Elle est en or. C'est ce qui a marqué aussi l'imaginaire. Aujourd'hui, on peut voir des photos colorisées de ça parce qu'au départ, c'était en noir et blanc. Mais avec les nouvelles techniques de colorisation, on a colorisé entièrement les photos qui ont été prises par le Times de cette ouverture-là. Donc, on voit les torches électriques et on voit Carter qui ouvre une chapelle en or couverte de hiéroglyphes. Et à l'intérieur, ben là, on a le sarcophage en pierre entouré de Isis, Nephthys avec les ailes dorées. Les statues sont magnifiques, sont en or, il est protégé. Et là, ben, à l'intérieur du sarcophage, on a les cercueils en or. Et à l'intérieur du dernier, on a la momie portant le magnifique masque funéraire qui va donner l'impression, mais mon Dieu, Ramsès II, son masque avait l'air de quoi? C'est le masque de Toutankhamon. Est aussi magnifique en or et lapis lazuli. Je veux dire, c'est Et ça nous permet d'en parler un petit peu de Toutankhamon. Vous l'avez évoqué, mais c'est un jeune pharaon. Il meurt très, très jeune. Oui. Et on se dit, s'il y avait un tel trésor dans cette tombe-là, qu'est-ce que ça a dû être pour les plus grands? Mais il y a eu aussi tout un flou jusqu'à tout récemment. C'est quoi, dans les années 2000, qu'on a mieux compris qui était Toutankhamon? Oui, même 2010, avec l'ADN est en train de changer beaucoup de choses. Pour confirmer des liens génétiques, confirmer des lignées. Le fait qu'on ait des momies signifie qu'on a de la matière organique pour le faire aussi. On a des dents, on a tout. C'est un des gros avantages qu'on a en histoire de l'Égypte ancienne. D'ailleurs, contrairement à d'autres époques, on n'a pas les corps de même la Révolution française, vous n'avez pas les corps des rois de France. C'est assez difficile de faire ces liens-là. Alors oui, il y a eu des analyses qui ont été faites. Il y a eu des tomodensitométries, ce qu'on appelle un CT scan, vraiment, là, où on voit le corps au complet. Si vous vous blessez, là, puis que vous faites ce qu'on appelle un taco ou un IRM, là, mais pour les momies. Mais en même temps, on a fait plusieurs analyses pour comprendre de quoi il était mort, parce qu'il y avait eu une théorie dans les années 80-90 de l'égyptologue américain Bob Breyer qui disait qu'il y a un trou derrière le crâne, je pense qu'il a été assassiné. Ouais. Et finalement, on a réalisé que le trou était post-mortem, c'est pendant la momification probablement qu'on a fait l'erreur. Donc aujourd'hui, on sait qu'il est probablement mort des conséquences à la fois d'une malaria piquée par un insecte. On savait que par son père, Akhenaton, il y avait des maladies génétiques, il était beau, il boitait déjà. Les reconstitutions de son corps sont assez étonnantes parce qu'on voit, il n'est pas cute, là, excusez l'expression, mais c'est vraiment ça. Il est beau, puis il y a une drôle de physionomie, mais Akhenaton avait une drôle de physionomie aussi. Et on s'est rendu compte qu'il avait probablement eu un accident de char, s'était blessé à la jambe, et la malaria a probablement contribué à une gangrène. Ce sont tous les facteurs qui auraient contribué finalement à sa mort vers l'âge de 18-19 ans, alors qu'il a régné une dizaine d'années, et c'est tout. Voilà. Alors revenons à cette découverte formidable. L'histoire ne se termine pas là. Il y a toute une légende qui va être échafaudée autour légende. Du fait... Ben oui, parce que Lord Carnarvon va mourir peu de temps après la découverte de la tombe de Toutankhamon, ce qui va faire dire à certains qu'il a été victime d'un mauvais sort que lui a relancé Toutankhamon, fâché qu'on découvre sa tombe. On écoute à nouveau l'égyptologue et archéologue Christiane Desroches-Noblecourt, cette fois à l'émission Femmes d'aujourd'hui, en avril 1967. Carnarvon mort, avant même d'avoir pu voir le visage de la momie qu'il venait de découvrir, on en impute tout de suite la faute à Toutankhamon. Or, si on voulait se pencher un peu plus près, de plus près, sur les rites funéraires, sur les coutumes des Égyptiens, on s'apercevrait que si un homme devait vraiment mériter la reconnaissance du petit roi, c'était Carnarvon, qui a pu, grâce à la subvention extraordinaire que pendant 10 ans il a donnée à son fouilleur Carter pour fouiller la vallée des rois, qui a mérité mais la reconnaissance éternelle de Toutankhamon. Car vous savez que d'après les rites funéraires, faire revivre le nom d'un homme, c'était à la fois bénéficier à son rite funéraire et à la fois lui donner une éternité puisqu'on prononçait son nom. Les textes disent aux vous qui passez près de ce tombeau, prononcez mon nom, faites-moi revivre. Cela ne vous coûtera pas cher et cela vous sera rendu au centuple. Alors comment pouvez-vous croire que Toutankhamon soit vengé? Au contraire, il a protégé Carnarvon. Vous savez que Carnarvon meurt en 1923 ou en 1960. Il est entré dans l'histoire en même temps que Toutankhamon. Et vraiment, il bénéficie d'une gloire presque éternelle. Je ne crois pas que Toutankhamon se soit vengé. Cette histoire de malédiction, elle nous le dit plus joliment. Christiane Desroches-Noblecourt, mais c'est un peu n'importe quoi. Oui, mais on regarde aujourd'hui, je veux dire, on a exhumé un cercueil en granit noir à Alexandrie, puis il y a des gens qui étaient prêts à acheter le liquide qu'il y avait à l'intérieur, pensant qu'il y a vraiment eu des pétitions demandant est-ce que je peux boire le liquide qui est à l'intérieur parce qu'il doit avoir un pouvoir magique. Mais finalement, l'intérêt est tombé quand on a vu qu'il n'y avait pas de pharaon à l'intérieur ou Alexandre le Grand. Là, ça faisait partie des mythes. Aussitôt qu'on pense à l'Égypte, on pense à des choses qui sont magiques. C'est comme si la réalité était différente et on peut se permettre d'imaginer des choses qui. Sont attachés à des rituels magiques, qui sont associés à quelque chose d'un peu surnaturel. Ouais. Et ça a été très rapide. On s'est dit, c'est une tombe de pharaon. Elle n'avait jamais été touchée, celle-là, mais parce qu'on a osé violer cette tombe-là, automatiquement, la malédiction s'applique. Et d'ailleurs, il y a eu une fausse rumeur pendant longtemps qu'il y avait une inscription qui disait que si vous pénétrez cette chambre funéraire, il y aura quelque chose qui va s'abattre sur vous. On a des inscriptions qui ont été trouvées en Égypte sur certains lieux qui peuvent rappeler ça, mais pas pour la tombe de Toutankhamon. Et là, on a mélangé tout ça. Carnarvon meurt. Carter meurt quand même pas trop longtemps après, il meurt quand même assez jeune de ce qu'on pense qu'il a la maladie de Hodgkins. Son canari est mort et là, à un moment donné, ça y est, on pensait que c'était parti. C'est de la légende urbaine, mais qui a beaucoup contribué. Par contre, elle a servi l'Égypte à amener une égyptomanie, à mousser l'égyptomanie et à donc faire en sorte qu'il y avait encore plus de touristes qu'elle en Égypte, par contre. Donc, il y a comme eu un contre-coup positif pour le tourisme en Égypte, même si tout ça est complètement faux. Il faut vraiment le dire. Cette tombe, ce trésor que contenait la tombe de Toutankhamon. Qu'est-ce qui en reste aujourd'hui? Où est le trésor? Est-ce qu'on peut visiter la tombe? Oui, la tombe se visite, sauf que c'est une équipe espagnole qui aurait fait une réplique intégrale. Il faut comprendre que la Vallée des Rois, ce sont des hypogées, des tombeaux peints à l'intérieur du roc. Il n'y a pas beaucoup d'air et quand il y a beaucoup de touristes, le CO2endommage les peintures, endommage les tombes. Donc, maintenant, on visite plus la réplique. Et le Getty vient de terminer, après 10 ans de travaux, la restauration de la tombe originale. On avait trouvé des petits champignons, on avait trouvé des taches noires. On avait peur, en fait, qu'il y ait une bactérie qui soit en train de manger les peintures. Là, on a eu confirmation que c'est mort. Donc, il n'y a pas de danger que ça se répande. C'est des petites bactéries qui ont existé à un moment donné, mais qui sont mortes d'elles-mêmes. Donc, c'est trop sec pour qu'elles se prolifèrent. Donc, sur demande, la vraie tombe peut être visitée, mais il y a de moins en moins de gens qui vont visiter la vraie. La réplique est une vraie réplique. Par contre, elle est intégrale. Et c'est sûr que le trésor de Toutankhamon était présenté en petits morceaux au Musée du Caire. Il y avait des objets qui se promenaient dans des collections internationales. Là, ça y est, c'est la première fois, cet été, en 2019, avec le nouveau musée de Gizeh. Les gens vont voir pour la première fois l'équivalent de 5000 artefacts, tous au même endroit, du trésor de Toutankhamon. Évelyne Ferron, spécialiste en histoire ancienne, chargée de cours à l'Université de Sherbrooke, professeure d'histoire au Collège Mélissa Québec. Merci beaucoup, Évelyne. Ça m'a fait plaisir. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Éric Saint-Pierre, recherche d'archives. Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.